On approchait de la mer. Tout à coup, Dea, se dégageant de l'embrassement de Gwynplaine, se souleva. Elle appuyait ses deux mains sur son cœur, comme pour l'empêcher de se déranger. « Qu'est-ce que j'ai ? » dit-elle. « J'ai quelque chose. La joie. Cela étouffe. Ce n'est rien. C'est bon. » En reparaissant, ô mon Gwynplaine, tu m'as donné un coup. » Elle rougit, puis pâlit, puis rougit encore et tomba. « Hélas, dit Ursus, tu l'as tuée. » Elle était dans les bras de Gwynplaine, comme un linge qu'on a ramassé. Ses mains pendaient. « Gwynplaine, reprit-elle, n'est-ce pas ? Tu penseras à moi. J'en aurai besoin quand je serai morte. » Et elle ajouta, « Oh, retenez-moi. »« Grâce !» cria Gwynplaine. « Adieu, dit-elle. « Grâce !» répéta Gwynplaine. Puis, elle se haussa sur ses coudes. Un profond éclair traversa ses yeux. Elle eut un ineffable sourire. Sa voix éclata, vivante. « Lumière !» cria-t-elle. « Je vois !» Et elle expira. Alors, Gwynplaine fut effrayant. « Je viens !» Il se mit à marcher dans la direction du bord sur le pont du navire, comme si une vision l'attirait. Il parvint à l'extrême bord. « J'arrive !» dit-il. « Dea, me voilà !» Il tomba. La nuit était épaisse et lourde, l'eau était profonde, il s'engloutit. Peu après, le navire entra dans l'océan. Quand Ursus revint à lui, il ne vit plus Gwynplaine. Il aperçut près du bord, Homo, qui hurlait dans l'ombre en regardant la mer.